Donne-leur la putain de zik et le public respecte. Donne-leur la putain de zik et le public respecte. Écoute, écoute. Donne-leur la putain de zik et le public respecte. Délinquante musique. Donne-leur la putain de zik et le public respecte. Écoute, écoute. Délinquant. Tant qu'il y aura des buts, des macs, des buts à atteindre, des plaques à prendre, des paquets de gens qui luttent pour une cause, des parquets, des jeunes qui chutent aux assises tant qu'il reste des minutes. Pull up, ça c'est Monsieur Boss, 95 Nectar. Tant qu'il y aura des buts, des macs, des buts à atteindre, des plaques à prendre, des paquets de gens qui luttent pour une cause, des parquets, des jeunes qui chutent aux assises tant qu'il reste des minutes. Avant que ça explose, tant qu'il y aura des banques à braquer, des tas de choses à dire, des raisons de craquer, partir en couille, en martyr. Tant qu'il y aura des tas de couilles encore fumantes sur le sol des patrouilles, tant qu'on aura que la violence comme argument, tant qu'ils auront pas ma dépouille et pour se faire entendre faudra se taper. Tant qu'il y aura des necks, des grouilles, j'aurai de quoi harper. On passe pas entre les gouttes, on se mouille, c'est en temps de fait que l'embrouille se prépare, on sait pas ramper. Tant qu'on dépouillera nos plaies, tant qu'il y aura des délits de sale tête, tant qu'on annulera pas la dette de l'Afrique, tant que la France sera pas prête à voir des tas de bronzés dans son écran, tant que Marianne n'aura pas à sticker la trique, tant que rien n'aura changé chez nous, on rêve d'ici. La misère shoot, on a trouvé le cadavre d'un môme planqué dans la soute. On nous a mutilés, qui peut l'ignorer, suffit pas de décorer le tir ailleurs pour oublier Corée. Tant qu'il y aura pas de justice en ce qui nous concerne, pas d'unité. Quand on tombe, on prend du ferme, on n'a pas l'immunité. Tant qu'il y aura des ghettos dans nos villes, dans nos crânes, tant qu'ils se rendent compte qu'on existe seulement quand le coin crame. T'as toujours pas compris que nos drapeaux doivent émerger. Petit mouton sort du troupeau, assassine le berger. Tant qu'on n'aura pas le respect qu'on mérite, je serai prêt quand ma Uzi chante. Je ferai de la musique délinquante. Sur son reflet, l'époque des blocs, c'est la ponction. Blinque, c'est la chanson. Pour que les gars sous tension s'agit que les phrases sortent, les récales des tonations. Ce son reflète l'époque, les blocs c'est la ponction. Du blinque, c'est la chanson. Pour que les gars sous tension s'agit que les phrases sortent, les récales des tonations. Tant que le président évitera le placard évident, tant que je sortirai pas sans blinder le 3 quarts, tant qu'on se fera flinguer, tirer à plus de 2 ou 3 quarts, et que j'aurai du mal à distinguer meurtre et bavure, c'est l'image. India, November, Oscar, pas une gravure de moi, tu veux l'image de la haine, Lascar sur une prod animale. Que Dieu nous parraine, mon vacarme marine me sort de l'anonymat. Un mauvais climat règne, on marine dans de l'éther, l'audimat pète sa scène comme Tony les narines, plein de coke. On nous enseigne l'art de courber les chines dès le premier biberon à devenir du carburant pour la machine. Seuls les forts vivront. Imagine la scène tant que j'y croirais. Qu'un seul vienne, les autres suivront. Tant qu'il y aura ces veines que le sort tranche ses chaînes à nos poignets. De la blanche, l'héros de la ponce des pour s'éloigner. Tant qu'on sera au point zéro, à pisser dans la guitare. Tant qu'il y aura des putains de matons, des frères au mitard, des mères au parloir, des pères brisés, conditions trop sales, visées par la loi, handicapé social. Tant qu'on sera autant à l'aise dans ce bis que dans le comico. Ils préféraient me voir avec un flingue plutôt qu'un micro. Tant qu'il y aura le bordel où ça slingue, mon sang ira immortel sur distinct. J'suis en mode guerre comme en Irak. Les MC ont de la pile à se faire. Regardez vos montres, reprends les affaires, je m'appuie sur un beat monstre. Tant que j'aurai pas le respect que je mérite, j'serai prêt comme un Uzi chante. J'ferai ta musique délinquante. Ce son reflète l'époque des blocs, c'est la ponction. Du flingue, c'est la chanson. Pour tous les gars sous tension, sachez que les phrases sortent, les récales des tonations. Ce son reflète l'époque des blocs, c'est la ponction. Du flingue, c'est la chanson. Pour tous les gars sous tension, sachez que les phrases sortent, les récales des tonations. Ce son reflète l'époque des blocs, c'est la ponction. Du flingue, c'est la chanson. Pour tous les gars sous tension, sachez que les phrases sortent, les récales des tonations. Ce son reflète l'époque des blocs, c'est la ponction. Du flingue, c'est la chanson. Pour tous les gars sous tension, sachez que les phrases sortent, les récales des tonations. Un mot de